cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فنواصل درسنا بإذن الله جل وعلا في هذه الرسالة المفيدة تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران للعلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه. إن رسالة نفيسة sur l'alliance et les deux aveux, aimer pour Allah, détester pour Allah. Et il a cité trois catégories de personnes. Al-Kuffar, comment se comporter, on doit les détester à cause de leur mécréance et la akhirah. Thumma, il a cité Ahlul Ma'asi, on n'est pas encore arrivé à ce chapitre. Les muslimoun, là, qui font des péchés, est-ce qu'on doit les détester par rapport à leurs péchés, etc. Thumma, il a conclu cette risala avec Ahlul Bid'ah, les innovateurs. C'est une risala nafi sajidden. قال رحمه الله الآية الرابعة عشرة. On arrivait au 14e verset. Il a cité au début du livre plusieurs versets pour démontrer أن المؤمن il n'a pas le droit de prendre comme allié الكفر. المسلم il n'a pas le droit d'aimer les كفار. والحمد لله استفدنا. فقال رحمه الله قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وهذا نهي من الله تبارك وتعالى عن الركون إلى الظالمين من الكفار والمنافقين والفساق والفجار وإخبار منه تعالى بأن الركون إليهم موجب للعذاب في الدار الآخرة. هذه الآية الانجلوب الكفار وكذلك الفساق وأهل البدع أي tous ceux qui appellent au mal ou qui font du mal. قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الذين ظلموا s'englobe هذه الأصناف, toutes ces catégories qu'il a cité الشيخ حمود رحمة الله عليه. بقي pour comprendre ce verset il faut comprendre قوله ولا تركنوا نهي من الله. قال رحمه الله قال الجوهري من أئمة اللغة والهروي وغيرهما من أهل اللغة الركون السكون إلى الشيء والميل إليه. الركون c'est le fait de se pencher, de se rapprocher de quelque chose. فقال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. Ne t'approche pas de هؤلاء. C'est encore plus fort que les fréquenter. Les fréquenter c'est rester avec eux. إلى آخره. الله عز وجل قال ولا تركنوا. Ne t'approche même pas de هؤلاء. لماذا؟ قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Tu pourras être touché par le châtiment. لماذا؟ لأن المرء على دين خليله. Celui qui s'approche, au départ ça sera une approche, ثم une connaissance, ثم une fréquentation, ثم des assises. حتى الإنسان عيادا بالله لا شك أن si il déteste le kufr, il ne peut pas rester qu'un kafr. Si il déteste le bid'a, il ne peut pas rester qu'un mubtadi'. Si il déteste le ma'asi, il ne peut pas rester avec quelqu'un qui boit, qui insulte les gens, qui se moque, عيادا بالله, qui se dévêtit. Il ne peut pas, il déteste le ma'asi. Enfin, celui qui se rapproche, ثم il reste avec eux, enfin, en général, il fera comme eux. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على الدين خليله. Et si هذا الإنسان il fait comme eux, il risquera le même châtiment qu'eux. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال وقال البغوي هو المحبة والميل بالقلب. Toutes ces معاني qu'il va citer, الآن elles sont صحيحes. تعلمون أن أهل التفسير quand ils expliquent, وهذا تقدم معنا في وصول التفسير لكن je ne sais plus si c'est avec vous, ما أظن c'est avec des autres frères, أن une règle importante في التفسير أن quand tu as une explication d'un verset et tu as l'explication plutôt نعم, d'un savant sur un verset, مثلا الإمام البغوي قال المحبة والميل, c'est le fait d'aimer الذين ظلموا, les kuffars, etc. ou de se rapprocher d'eux, il a akhiri. Un autre savant, il va citer un autre mot. Ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. Là, le savant, il te cite une explication, un autre savant, il te cite une explication. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, falhamdulillah, tu profites de leur kalam. قال ابن عباس, رضي الله عنهما, لا تميلوا إلى الذين ظلموا. Ibn Abbas, il a expliqué بالميل. الميل, c'est le fait de pencher, se rapprocher. وعنه هو الركون إلى الشرك. هذا لا شك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أن أن سيسي الركون سو رابروشي دو شرك فا سي تري تري غران. وعنه لا تداهنوا كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهنوا فيدهنون. سو فيغسي من سورة القلم قال القرطبي رحمه الله ça c'est un ajout, vous n'avez pas هذا الكلام. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية والإدهان أي قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالإدهان c'est quoi? C'est التليين لمن لا ينبغي له التليين. قاله الفراء التليين ça vient de اللين, c'est la douceur, c'est le fait d'être doux. حتى هم sont doux. فقال عز وجل ودوا أي الكفار ils espèrent لو تدهنوا فيدهنون أي que vous faiblissez. Ça y est, le fait de faire des concessions, que la faiblesse, hattahum kadalik, ils faiblissent. Ou vous faites des concessions et eux, kadalik, ils font des concessions. Wa hakada, ils sont al-kuffar. Qala al-Qurtubi rahimahullah, wa qil, waddu law tab'uf fa yad'ufun, wa an ibn Abbas, law turakhisun lahum fa yurakhisun lak. Et hada, tu le vois عند الكفر. Quand le mu'min, le musulman, il fait des concessions sur son dîn, il dessert un peu. Et quand le musulman, il ne fait pas des concessions sur son dîn, il s'accroche, il serre. Dorotat. Ils lui mettent des bâtons dans les roues, sur beaucoup de choses. Quand ils voient, annahu, il commence à laisser, il commence à le ressembler, il l'accepte sur eux, beaucoup de choses. Et dans l'autre verset, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Ces deux versets, ils montrent un al-kafir, il sera satisfait du musulman quand ce musulman, il fera des concessions sur son dîn. Comme taqaddam ma'ana dans le dars précédent, dans l'explication des noms d'Allah. Si tu laisses le nom Allah Azza wa Jalla et tu dis Dieu, c'est une concession. Tu verras que ça ne sera pas comme celui qui dit Allah. Il ne parlera pas de la même manière. Limada, li'anna Allah, ce mot, ce nom, c'est que pour le musulman, il n'y a que le musulman qui l'emploie. Il est cité dans le Coran et c'est le nom d'Allah. Amma Dieu. Les chrétiens, ils disent Dieu. Les nasara, ils disent Dieu. Tout le monde dit Dieu. Et nous, on n'a pas besoin de hada. Nous, on sait que notre ilah, notre khaliq, il s'appelle Allah. On n'a pas besoin de faire de concessions. Ça commence par hada, thumma al-hijab, thumma la barbe, thumma l'apparence, thumma les pensées. Waddu, law tudhinu fayudhinun. Anna les houdoud, les sentences, couper la main du voleur et la akhiré, c'est de la barbarie. Thumma, thumma, hatta l'insan, ayyadam billahi, il sort de l'islam, et les kuffars, ils l'acceptent. Ala hadar, ils l'acceptent, mais, khassatan, s'il n'est pas de la même origine qu'eux, ils sont ala hadar. Lakin, ils le rapprochent par rapport aux autres. Qala, rahimahullah, on revient au kalam de Cheikh Hamoud, wa qala suddi, la tudahinu dhalama. وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم وعن عكرمة هو أن تطيعهم أو تودوهم أو تصطنعوهم. قال بعض العلماء معنى تصطنعوهم نعم تولوهم الأعمال كمن يولي الفساق والفجار. هذا تقدم معنا سيأتي ما يتعلق بتولي الأعمال. وقال ابن الأثير رحمه الله الاصطناع افتعال من الصنيعة وهي العطية والكرامة والإحسان. قوله لا تداهنوا أو قوله لا تداهنوا est-ce qu'il explique نعم أو il est revenu à قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا نعم وهي العطية والكرامة أي نعم ça se ressemble et هذا فيه تفصيل si c'est donné et il n'y a aucune mafsada بل ربما c'est من باب الدعوة إلى آخره et ce kafir il combat pas l'islam فلا بس m'a donné. Ayyadam billah, mimbab, on fait des concessions dans notre dîn et c'est un ennemi de l'islam et il nous déteste et il nous combat et on lui donne mimbab, ayyadam billah, pour faire des concessions dans notre dîn. Fahada, là, je sais que c'est pas permis. Wa qala az-zamakhshari annahi mutanawilun lil-inkhirat fi hawahum wal-inqita' ilayhim wa musahabatihim wal-ridha bi-a'malihim wal-nisba ilayhim wal-tazayyi bi-zayyihim. Tout ça, ça englobe wala tarkanu. Le fait de leur ressembler en apparence, dans les vêtements. كذلك le fait d'accepter leurs œuvres, كذلك le fait de les prendre comme amis, tout ça c'est haram. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال بعض العلماء وكذلك مجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم ومدلين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. سمن باب التعظيم فهذا لا شك سحرا. ولا تركنوا مثلا الزيارة لو روندر فيزيت أو لي فريكونتي سمن باب التعظيم كما يفون بعض الجهال أنهم كنت يبوف fréquenter un kafir, ils sont heureux, les malades, ils sont impressionnés par hadha al-kafir. Et iyadan billah, ils l'élèvent. Et roubama, ils vont critiquer leurs frères musulmans inda hadha al-kafir. Tout ça, c'est haram, mais c'est une porte ouverte à un égarement. Iyadan billah, c'est une porte ouverte à des choses très très graves. Roubama, l'insan yagtar bi hadha al-kafir et critique l'islam. Comme on avait détaillé, walillahi l'hamd, un nasiha al-rabbaniya de Cheikh Saadi. L'histoire, la nasiha entre les deux frères. أما سلسلة المجالسة والزيارة فالنبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا من باب الدعوة اليهودي يسي كونفيرتي. أما سلسلة فيزيت ان كافر الحمد لله يا قد مفسدة الإنسان لا يخاف من شره بل il espère, il a du علم, il espère lui montrer إلى آخره فالحمد لله هذا لا شك فيه خير. كذلك زيارة الأقارب سلسلة دي كفار لا شك tout ça c'est permis en regardant bien sûr le masalih ou le mafasid. Si ça peut impliquer des choses mauvaises, il a akhri. قال الآية الخامسة عشرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ça ressemble à قوله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال الجوهري بطانة الرجل وليجته البطانة والوليجة سيباري. Et le prochain verset ça sera sur le وليجة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فالوليجة والبطانة والركون إلى الظلمة للذين ظلموا ça se ressemble. Et c'est le fait de se rapprocher les fréquenter إلى آخر. قال وقال ابن الأثير من أئمة اللغة. Il a un célèbre livre, Al-Nihaya. Il est très très important. Al-Nihaya fi gharib al-hadith. Il explique tous les mots compliqués qu'il y a dans les hadith. Enfin, mitla hadha al-compliqué ou moins compliqué. Mohim ba'd al-alfad. Dans ce livre, il a expliqué le bitan. C'est un dictionnaire tayyib. Al-Nihaya ibn al-Athir. Qala bitanatu al-rajul sahibu sirri wa dakhilatu amri. الذي يشاوره في أحواله سساء البطانة. الله سبحانه وتعالى نهانا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من دون المؤمنين أي من الكفار تبالغ دبخوند بطانة من الكفار. البطانة ça veut dire quoi? Ça veut dire صاحب السر. Tu peux traduire par le confident, quelqu'un de très très proche. Tu vas lui dire certaines choses que tu ne dis pas aux autres. فلا تتخذ كافرا. لماذا؟ لأن الكافر c'est pas une personne de confiance. الكافر tu peux pas lui faire confiance. لماذا؟ لأنه il adore pas Allah. Comment tu vas le rapprocher et tu vas lui divulguer certaines choses? ربما يفضحك ربما il divulgue tout ce que tu lui as dit. قال وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. المشاورة c'est le fait de prendre des conseils. Comment on fait entre frères? نتعاون والمشاورة et on regarde les avis de chacun. أما مع الكفار فلا. خاصة فيما يتعلق بأمور الدولة خاصة dans les choses importantes qui concernent les pays des musulmans qui conseillent les grosses affaires. المؤمنون si ils prennent des proches, des conseillers, des confidents من الكفار فهي un ضرر عظيم. ربما ce كافر va informer ses frères كفار et ça fera beaucoup de mal aux musulmans. وقال البغاوي رحمه الله في قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم. نعم. فتوس الفرس يتشابه الفرس précédent. قال وبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب التي تلي البطن أو تلي بطنه. نعم. هذه فائدة في اللغة. بطانة الرجل يتشابه بطانة الثوب. Bitana tu thoub, c'est ton vêtement. Al-bitana, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est en contact maintenant avec ton ventre. Maintenant, tu as un pull, un t-shirt, tu as le côté apparent et tu as le côté qui touche ta peau. Ça s'appelle bitana tu thoub. C'est pour ça qu'ils ont appelé bitana tu ar-rajul, ay il est proche, très proche de lui. قال لأنهم يستنبطون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد. نعم لماذا؟ لأنهم سي ils ont accès à des informations qui sont réservées aux musulmans, des choses importantes qui sont liés à tel pays musulman. Si on y sont au courant, voilà, chaque année, ils feront tout pour faire du mal aux musulmans. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكافرين واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولائج ولائج لبوريال دواليجة يفوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. نعم وهذا كما تقدم دخلاء ولائج أي دي بخوش دي كونفيدان دي كونسيي من الكفار هذا صافي بوكو دمال. قال وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدهقانة قال قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظا كاتبا فلو اتخذته كاتبا فقال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. الأثر نعم قال في الحاشية تفسير ابن أبي حاتم عمر رضي الله عنه ست أمير المؤمنين. Et ils lui ont dit « Huna qui est un ghulam c'est un jeune, « min ahli al-hayra hafidhan katiban » Il a des connaissances, il peut écrire. Et il aurait pu aider Omar, radiyallahu anhu, dans certaines choses, dans certaines tâches, écrire, il a akhiré. Lakin Omar, c'était amir al-mu'minin. « Faqala, qad ittakhattu idhan bitanatan min douni al-mu'minin » Si je le prends, ça veut dire « Je veux prendre une bitana min douni al-mu'minin » Il y a un kafir, un proche qui va entendre certaines choses, il va écrire certaines choses. Et rabbama, ça fait beaucoup de mal aux mu'minin. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. Et ça, في الحقيقة, ça explique la مسألة qu'on a vu auparavant, il avait cité des athars de Omar رضي الله عنه. Il ne faut pas prendre un kafir comme employé pour écrire ou autre tadkurun, cette mas'ala. Et on avait dit, on en reparlera, les détails qalilan huna. Fal murad huna, c'est le fait de faire travailler un kafir dans une chose qui peut faire du mal aux muslimis. Matalan avec le gouverneur, oh, il devient confident, il entend des choses qui pourraient faire du mal aux muslimis si elles sont divulguées. Tout ça, c'est haram. أما مجرد العمل إذا كافر إلى ذليل إلى صغير إلى aucun poids فهذا c'est autre chose. هنا فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن حكم استقدام العمال الكفار أي est-ce que c'est permis un مسلم يفيد travailler des كفار. فقال رحمة الله عليه المسلم خير من الكفار لقوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Ça c'est un délil طيب. Ça nous montre أن الأصل et la base et le mieux c'est de faire travailler tes frères musulmans. Enfin, si un musulman ou une muslima ils ont une entreprise, l'afdal c'est de faire travailler des musulmans. لماذا؟ لأن المؤمن il est afdal عند الله من كافر. Et ce musulman il a des besoins, il a une famille, il a akhiré. Enfin, s'entraider avec lui et le faire travailler, alhamdulillah, khassatan si il est au même niveau que le kafir dans les capacités. Maintenant, ce qui va faire ce kafir, ce musulman il va le faire, peut-être mieux. Ou même s'il le fait pareil, falimada, faire passer le kafir avant. Hada awalan. Donc, quand on a le choix, on fait passer le musulman avant. Thumma qala walakin la ba's min istiqdam ghayr al-muslimin lil-haja. Lakin si une haja, par exemple, ou un musulman il a une entreprise et un domaine, une chose, il ne trouve pas un musulman qui maîtrise. Et il trouve un kafir. Et bien sûr, ce kafir, il n'a aucun poids. Il va travailler, c'est un simple employé, il lui donne son argent. Et... Ah, c'est permis. Khassatan, ça peut être un bébé, si ce musulman a un bon comportement. Et vu que c'est son patron, là, je sais que ce kafir, il va l'écouter. En général, le patron, il l'écoute. Et Obama, il lui montre certaines choses, il peut avoir du khayr. Amma, ce kafir, il a une place et il entend certaines choses et il peut faire du mal aux muslimines, فهذا لا يجوز. هذا كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل باب الولاء والبراء. قال رحمه الله الآية السادسة عشرة قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة والله خير والله خبير بما تعملون. قوله عز وجل وليدة c'est comme les versets Awliya et Bitana et Wala Tarkanu ila Ladina Dalamu. Tous ces versets qu'on a vus, le haqiqa, c'est la ma'na, elle se ressemble. Qala al-Jawhari wa ghayruhu min ahli al-lugha walija, walijatu al-rajul khassatuhu wa bitanatuhu. Comme le verset qu'on a vu auparavant. Aïe, un proche, un confident, un conseiller. Wa qala al-Baghawi walijatun bitanatun wa awliya yuwalunahum wa yafshuna. Un confident. Des choses que tu vas dire à cette personne, tu ne diras pas à d'autres. En arabe, ça s'appelle walid. قال وقال أبو عبيد أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليد. Chaque chose que tu fais rentrer dans une autre chose et cette chose, elle ne fait pas partie de cette chose, c'est walid. مثلاً, si tu rapproches un mu'min, ou plutôt si tu rapproches un kafir alors que tu es un mu'min, هذا c'est en arabe ça s'appelle walid. Et tu rapproches une chose qui fait pas partie de toi. Maintenant un croyant avec un kafir, c'est pas la même chose. هذا c'est un tarif lughawi. والرجل يكون في القوم وليس منهم وليد. الرجل يكون في القوم مثلا un étranger dans le قوم en arabe ça s'appelle walid. قال فوليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره دون الناس. Il saura des choses que les autres ne savent pas. قَالَ يُقَالَ هُوَ وَلِيجَتِي وَهُوَ وَلِيجَتِي لِلْوَاحِدْ وَهُمْ وَلِيجَتِي لِلْوَاحِدْ وَالْجَمْعِ. Donc c'est la même chose. Que ce soit pour un ou pour plusieurs, on dit وَلِيجَ. وَقَالَ الرَّاغِبَ الْأَصْفَهَانِ كَذَلِكِ لَا كِتَابَ نَافِعَ مُفْرَدَةِ الْقُرْآنِ. Et c'est comme un dictionnaire, il explique les mots du Coran. Les mots qui ont besoin d'une explication. Mettez-le walidja dans ce verset, min surat at-tauba. Si tu veux l'explication des mots que tu ne connais pas fil Qur'an, tu veux une explication simple, fa mufradat ar-raghib al-asfahani. Un kitab nafi' fi hada. Et dans le hadith, tu as an-nihaya li Ibn al-Athir rahimahullah. Ne pas confondre avec Ibn Kathir. Ibn Kathir c'est le mufassir. Hada c'est Ibn al-Athir. Il n'y a pas le kef. قال الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله كما تقدم من قولهم فلان وليجة في القوم إذا لحق بهم وليس منهم إنسانا كان أو غيره. قال تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وذلك مثل قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Tous ces versets ont la même معنى. قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قوله عز وجل le verset ولم يتخذوا إلى آخره وليجة. Et قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. Et l'autre verset sur البطانة. Tous ces versets قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. Tous ces versets في الحقيقة la معنى elle se ressemble. أي احذر أخي الكريم de ne pas prendre الكفار comme ami, comme confident, comme allié, comme conseiller. لا. لماذا؟ لأنهم خانوا الله وخانوا الرسول. Ils ont trahi Allah, ils ont trahi le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est des khawana. Ok, il va un tas, tu vas les rapprocher. Comment rapprocher quelqu'un qui déteste Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam? Comment rapprocher quelqu'un qui n'a pas voulu se soumettre à Allah, qui ne croit pas en Allah azza wa jalla, qui ne croit pas au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Hada fi haqiqa, tu dois le détester. Et tous ces versets, et hada al kalam de Cheikh Touajri rahimahullah, c'était pour maîtriser, comprendre هذا المعنى العظيم. أي détester les kuffar في الله عز وجل. Sans être injuste, comme تقدم. C'est une عقيدة. On les déteste et on les juste. Et si on peut les aider, مثلا في باب الدين, leur montrer, حتى ils se convertissent, on fera tout pour cela. لكن, tant que c'est des kuffar, on les déteste في الله عز وجل. قال رحمه الله فصل إذا علم أو إذا علم تحريم موالاة أعداء الله تعالى ومودتهم فليعلم أيضا أن الأسباب الجالبة لموالاتهم وموادتهم كثيرة جدا. Après avoir cité combien de versets 16 نعم 16 versets رحمة الله عليه il a cité هذا الفصل il a cité هذا الفصل أي si tu as compris tous ces versets qui montrent qu'il faut détester les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى il ne faut pas les aimer إلى آخره قال فليعلم أيضا أن الأسباب الجالبة أي les causes عيادا بالله qui peuvent pousser l'insan à aimer هؤلاء الكفار كثيرة et ils vont citer quelques-uns باختصار on va pas tout expliquer اليوم لأن ce كلام va être expliqué بعد قال رحمه الله ومن أقربها وسيلة مساكنتهم في الديار la cause principale ونسأل الله العافية c'est d'habiter avec eux لماذا لأن le fait d'habiter avec eux tu auras des contacts ولا بد le médecin ou le commerçant ou à l'hôpital ou au travail il y a un insan, il ne peut pas vivre sans se mélanger aux autres la femme fait l'islam elle est préservée elle reste chez elle là le père de famille c'est lui qui doit sortir il doit apprendre il doit travailler il doit voilà chaque qui va se mélanger si le père de famille faiblit la famille elle faiblira et parmi les causes qui poussent à faiblir fi hadha al-bab c'est le fait de se mélanger à eux. Limada li anna al-insan hakadha, il est touché par ses fréquentations. On a déjà cité ensemble tadhkuruna anna al-imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh fi Iqtida Sirat al-Mustaqim, c'est un livre azim. Nafi' jiddan fi hadha al-bab sur le fait de détester les kuffar et de ne pas les suivre ila akhirih. Il a démontré rahmatullah alayh anna al-insan yata'athar avec ses fréquentations. Hatta الحيوانات حتى للزنمون. il a démontré رحمه الله et ça c'est صحيح عند العرب c'est معروف أن celui qui a des troupeaux de chameaux tu le trouveras en général il aura de la dureté contrairement à celui qui est toujours avec des vaches tu trouveras qu'il aura plus de douceur وهكذا celui qui a des troupeaux de moutons ou des agneaux des brebis tu le trouveras il aura de la douceur لماذا لأن le chameau il a de la شدة enfin celui qui reste دائما avec des chameaux il sera touché par هذا ما بالك celui qui reste avec les Yahoud, avec les Nasara ما بالك celui qui fréquente les Malahida les athées الآن, les démocrates إلى آخره لا يؤمنون بشيء إلا بعيادا بالله avec ils suivent leur passion الشهوات et الشيطان فلا شك ce musulman il sera touché ما بالك cet enfant mesquin il ne connaît même pas encore son dîn il est petit et il fréquente هؤلاء الكفرة à l'école du matin au soir بعض المؤمنين leur cœur il est devenu très dur. Et avec l'ignorance, hatta le midi, ils ne rentrent plus à la maison. Ils sont occupés. Le père, il est occupé. La mère, ils sont occupés. Ils sont toujours occupés. On ne sait pas leur âme, qu'est-ce qu'ils font. Mais ils sont toujours occupés. L'enfant, il est obligé de manger avec Haoula. À la cantine. Ayyadam billah. Qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre, là? Qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? De 8h du matin, il rentre à 16h. Vous avez vu, l'un, il propage kadiran aux informations. Un enfant, il a dit Allahu Akbar à l'école. Madri, pourquoi? Il entend ses parents, il a akhri. Ils l'ont convoqué, ils ont convoqué les parents. Il a akhri, c'est une jarima pour eux. Il a dit Allahu Akbar. Limada li anna, il vit au milieu des ennemis d'Islam. Ça serait fibula de l'Islam, dit Allahu Akbar. Personne, alhamdulillah. Tout le monde dit Allahu Akbar. Les enfants, ils disent ça, personne. Le professeur, il le dit. لكن عند أعداء الله c'est pas la même chose. Il faut faire les causes. Et ce livre, في الحقيقة, نحن on le lit pas pour passer le temps. On le lit pour savoir la gravité du sujet, l'importance du sujet. ثم appliquer, prendre comme allié le مؤمنين, vivre avec le مؤمنين, et s'écarter de هؤلاء. Celui qui veut préserver son nefs et ses enfants. فالأمر il est pas سهل يا جماعة. قال ولا سيما في ديارهم الخاصة بهم. Si tu les fréquentes, عند المسلمين, c'est grave. Maintenant, dans les pays musulmans, il y a des écoles de kuffar. Il y a des écoles de chrétiens, il y a des écoles de tel pays, et c'est des kuffar. Même les professeurs. Tu le mets dans cette école, c'est grave. T'es fi bilad muslimin. Amma, Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, قال, la siyama, surtout, fi diyarihim. Si c'est dans leur pays. Si c'est dans leur pays, c'est une musib. L'école est en dehors de l'école, l'insan, il est daïman avec haoula. Il peut pas rester chez lui. Abadan, tu restes chez toi, c'est eux qui viendront. Ils te laisseront pas. Abadan. Maintenant, celui qui veut laisser son enfant chez lui, ils te laisseront pas. Ils viendront le chercher. L'imam, les anakat est chez eux. L'insan, il faut qu'il fasse des choix. Il faut qu'il fasse des sacrifices. Et ces versets qu'on a étudiés ensemble, ça aide le mu'min. On doit les lire, on doit réfléchir. On a une explication très très simple de Cheikh Hamoud avec les paroles des imams de la sunna. Et inshallah, on essaie d'accepter. Et on essaie d'appliquer plutôt. Et na tawakkal ala Allah. Ce kafir, il peut rien donner, il peut rien te prendre. C'est rien que le shaitan qui nous fait peur. وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Qu'est-ce qui va te donner ce kafir? Fi bilad muslimin, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'habille pas. Il n'y a que chez les kuffars qu'on va manger, boire et se soigner. Alhamdulillah, si tu prends les malades, il n'y a pas plus de malades fi bilad muslimin que bilad kuffar. Leurs hôpitaux, ils sont pleins, les nôtres, ils sont pleins. On mange, ils mangent. C'est le shaitan qui fait peur. فقط. L'insan yajtahid. Qala. ولا سيما في ديارهم الخاصة بهم ومخالطتهم في الأعمال ومجالستهم في المجالس ومصاحبتهم وزيارتهم واستزارتهم وتولي أعمالهم وتوليتهم في أعمال المسلمين والتزي بزيهم والتأدب بآدابهم وتعظيمهم بالقول والفعل. On ne détaillera pas هذا لأن الشيخ حمود رحمة الله عليه dans cette risale dans un chapitre il a parlé, il a détaillé sur le fait de vivre avec le kuffar, de se mélanger il akhri. Lakin la shak anna mujalasatuhum, les fréquenter, ayadan bila, plus grave, les prendre comme amis. Fi bilad muslimin, tu peux pas hada, ou tu auras beaucoup de mal. Lianna les kuffar, ils sont qalil. Et en général, quand ils sont fi bilad muslimin, ils se mélangent pas avec les muslimin. C'est pour ça que tu trouves la grande majorité de muslimin qui vivent en terre d'islam, ils ont pas d'amis kuffar. Limada, lianna, il y a que des muslimin autour de lui. Amma fi bilad kuffar, ça s'est répandu hada. Ayadam billah ziyarat, mujalasat, ils mangent ensemble, ils rigolent ensemble, ils vont au sport ensemble. Hada, si tu viens et tu lui dis, hada, s'il ne se convertit pas, c'est un ennemi de l'islam, tu dois le détester, fillah. Qu'est-ce qu'il va te dire, notre frère musulman? Il aura beaucoup de mal, c'est son ami. Khassatan, les du'at al-batil, ils vont lui montrer, là, il faut la tolérance, le respect, écoute pas haoulas de wahhabiya. Ayadam billah, il peut s'égarer. Cheikh Hamoud rahimahullah, il a une risala nafi'a jiddan, il a détaillé hada, et on essaiera de la lire ensemble un jour inshallah sur at-tashabbuh bil kuffar. Et il explique bab le fait de s'habiller comme eux, le fait de manger comme eux, le fait de parler comme eux, le fait bab elle est nafi'a jiddan. قال وكثير من المسلمين واقعون في بعض هذه الافعال الذميمه وبعضهم واقع في كثير منها فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صحيح كثير من المسلمين. C'est à l'époque de Cheikh Touijri. Cheikh Touijri, il est mort il y a une trentaine d'années. Il a écrit la risala il y a peut-être 20 ans, 10 ans avant sa mort. Le muhim, cette risala, elle date de à peu près 50 ans. Mais balouk aujourd'hui. Ça, c'était dans les années 60, 70, hein, Adel Kalam. On est en 2020 bientôt. Et Cheikh Hamoud, il connaissait pas l'Europe, la France, il connaissait pas Adahoua. Il est né à Riyad, il a grandi Huna. Allah, est-ce qu'il est déjà sorti de Saoudia? Et ma'ahada, il a vu certaines choses, il a entendu certaines choses, il fait hadith nasiha. Mais il aurait vu la situation d'aujourd'hui. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. وكما قال وكما أن الله سبحانه وتعالى قد كرر النهي لعباده المؤمنين عن موالاة أعدائه وشدد عليهم في ذلك وحذرهم مما يترتب على موالاتهم من الفتنة والفساد في الأرض وسخط الله وأليم عقابه في الدار الآخرة فقد أمر تبارك وتعالى مع ذلك بالغلظة على أعدائه. Comme il nous a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous écarter d'eux, de ne pas les prendre comme alliés, comme a taqaddam, كذلك Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir de la ghilda avec eux. Al ghilda, c'est la shidda, c'est le contraire de la douceur. قال والشد عليهم ومعاملتهم بما فيه إدلال لهم. سيأتي معنا des exemples. مثلا sur الطريق, dès que tu marches sur la route, من السنة, c'est que le musulman, c'est pas lui qui change de chemin, c'est le kafir qui doit se. Ah, si tu vis dans un pays musulman, tu peux l'appliquer. Bien sûr, si ça n'emmène pas un mal plus grand. Il y a beaucoup de choses, c'est sunnah qui nous montre al kafir doit être dhalil, sagir. Ne pas l'élever, ne pas le gonfler. Qala, bien sûr, sans être injuste. Et bien sûr, ces choses, on les applique si ça n'emmène pas un mal plus grand. À l'époque où on vit, certaines choses, si on les applique, ça peut emmener un mal. Fal-insan, yattaqillah biqadr ma yastati'. Qala, وتصغير وتحقير لشأنهم وكل ذلك بضد موالاتهم ومودتهم قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أمر من الله جهاد الكفار والمنافقين بغلظة أي avec dureté. هذا bien sûr sous certaines conditions avec le gouverneur إلى آخره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في القتال في الجهاد lors des combats Allah subhanahu wa ta'ala amrana bil ghilda, ça doit être avec dureté, hatta ils comprennent. Tout ça bien sûr comme taqaddam sous certaines conditions. Wa qala ta'ala qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Min ahsan al kutub fi hadha si ahkam ahl al dhimma de l'imam Al-Qayyim rahimahullah, il a expliqué ces conditions de Ahlul Jizya. Ahlul Jizya, c'est les kuffars qui vivent en terre de musulmans, en terre d'islam plutôt, indal muslimin, et ils doivent donner le jizya, un impôt. Et Omar radiallahu anhu, il a écrit à son époque des shurut, des conditions, pour que le kafir qui vive à leur époque, matalan fil Madina ou autre, dans un pays musulman, des conditions. Anahu, il ne doit pas s'habiller de telle façon. Hatta al-kunya, ils n'avaient pas le droit. Al-Dhimma, ceux qui donnaient le jizya, le kunya, ils n'avaient pas le droit de prendre kunya de muslimin. S'appeler, matalan, Abu Muhammad ou Abu Abdullah, abdan, ils n'ont pas le droit. Hatta la tenue, elle était stricte, ila akhir. On essaiera de lire les shurut un jour de Omar radiallahu anhu. Qala, wa qala ta'ala Muhammadun Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فتأمل هذه الآية والذين معه أشداء على الكفار. Ça c'est une manqaba d'avoir de la dureté sans être injuste. Chaque chose à sa place. Bien sûr, en regardant le masalih, le mafasid, par rapport à l'époque où tu vis, par rapport au bilad. لكن غني هذا أصلا comme ils font أهل البدع والضلال comme ils font بعض المنافقين, c'est très très grave. Aïna hadi l'aya de leur soi-disant tolérance, leur amour envers le kuffar. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ce verset? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ça c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on peut plus. Mais on peut plus à cause de personnes comme vous, on peut plus. Les faiblesses elles sont arrivées de ba'd al-munafiqin et man tashabbaha bihim wa illa fa dinullah subhanahu wa ta'ala. Ce verset il est applicable ila yawm al-qiyam. Qala wa qala ta'ala ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذه الغلظه ست ان اوفر الكفار ست جورتي سي عمل صالح عند الله سبحانه وتعالى. الله يحب ذلك, فلهذا الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لعباده. لكن اون في اون ايبوك نسال الله سبحانه وتعالى العز والثبات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تأملوا, هذه من صفات المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء. Et parmi leurs caractéristiques, قال أذلة على المؤمنين. أذلة هنا سمعنا التواضع, modeste envers ses frères. Il se rabaisse, il ne prend pas tout en compte. C'est son frère mu'min. Si son frère mu'min il s'énerve, ouais, il ne s'énerve pas. C'est son frère, il l'aime fillah. Amma avec le kafir, qal a'izzatin ala le kafiri. A'izza. On a notre fierté de mu'min. Et on ne se rabaisse pas, on ne fait pas des concessions pour notre din. Abadan. Et on les déteste. Les ma'adalianahum, c'est des ennemis d'Allah azza wa jal. Bien sûr, avec toutes les conditions qu'on a citées auparavant, il a akhir, qu'on ne répétera pas à chaque fois. نكتفي بهذا. Le prochain cours, inshallah, on commencera le nouveau fasl fi al-ahadith. Après avoir cité 16 versets fi hadha al-bab, il va citer plusieurs ahadith avec l'explication des imams de la sunna. نكتفي بهذا والحمد لله.